temps, enculé. J'ai croisé deux patrouilles, j'ai vu Jobber et le patron, il a dit qu'il voulait aucun truc. C'est connu depuis petit peu, je fais demi-temps. Des bosseurs, tu peux les voir jusqu'à ton dos. Demande à chacun, ça vise la tête et pas les jambes. Appliqué comme la plupart de mes potos, si y a pépin, on sait quoi faire, pas besoin des gens. Y'a toujours un mec broli qui est dans la zone, y'a un plafond, faut pas parler devant les gens. T'es l'ennemi, ça peut trotter dans ta maison. Capuché sur le terrain, que des commissions. Stupéfiant cadavre dans la ville, ça vient miner. Je pourrais jamais donner de nom, même sans condition. Je me retrouve au dépôt, premier jour du séminaire. Salope, si t'es le sang, je te fais la bise. Investir et faire plus d'oseille, c'est là-bas. J'ai les yeux rouges qui sont cramés par le cannabis. Les ferrets dépôt, j'ai pris du ferme à la barre. Les mains gantées, restent qu'une paluche sur la quête. Y'a trop d'OPG qui enquêtent. J'enchaîne TP, j'ai jamais fait un trou en caisse. Si ça parle en cash, on encaisse. J'étais dedans, faut pas dire que j'ai tout fait. J'ai mon calibre, j'ai tiré plus de fois que Nico. Du papier des nounous, j'en ai étouffé. Zéro de gêné, ça débarque incognito. J'ai 9491, gros séminé. Tu m'as dit que tu portais tes couilles quand y'a Haja. Moi, je te vois pas déterminé. Enculé, je suis impliqué depuis mineur. Demande à qui tu veux, détailler des gazettes à minuit. Pendant plus d'une heure, j'étais pas d'humeur. J'ai croisé deux patrouilles, j'ai vu le jobber et le patron. Il a dit qu'il voulait aucun trou. Je m'arrête pas pendant la chasse, même si c'est cardio. Faut que je sois reconnu comme Catherine, je suis buteur comme Karine. Je pense au rond, je suis pas dans le carré. Vite, mon cœur est vide, les connes, j'ai vite. T'as perdu la vie, tu resteras qu'une tragédie. Je vais péter fraîche pour du papaya à Voltaire. Je vais péter fraîche au studio pour faire un gros son. Espèce de gros con, tu prends pour qui tu viens réclamer ta paye, t'as pas fait ta mission. Dans mon avis, c'est pas une émission, c'est moi qui tenais la sacoche quand y'avait pas de bosseur. Calculez pas le regard des gens, il fallait que je sois là. 11h, je suis toujours un voleur, même si j'ai des sous. J'en veux plus de janvier à décembre, soyez pas mes grands frères, j'étais adolescent. Enculé, y'a aucun grand que je prends pour exemple. MIG Moula, même plus je me présente, j'ai fait comme mes grands frères, je suis allé en prison. MIG Moula, même plus je me présente, j'ai fait comme mes grands frères, je suis allé en prison. Du 9491, gros séminé. Tu m'as dit que tu portais tes couilles quand y'a Haja, moi je te vois pas déterminé. Enculé, je suis impliqué depuis mineur. Demande à qui tu veux, détailler des gars, c'est à minuit. Pendant plus d'une heure, j'étais pas d'humeur. 9491, gros séminé. Tu m'as dit que tu portais tes couilles quand y'a Haja, moi je te vois pas déterminé.